Ceci est une lecture de Léa pour audiocité.net. Les saints martyrs japonais de la Compagnie de Jésus par Victor de Buc. 1863, Bruxelles. Jamais aucune église n'a été dévastée par une série de persécutions si rapprochées, si savantes, si cruelles que l'église du Japon fondée par saint François Xavier. Quoi qu'il paraisse qu'il existe encore des chrétiens dans ces îles désolées, on peut dire que le christianisme y a été éteint dans le sang. Jusqu'ici, il n'est venu à l'esprit de personne d'évaluer le nombre de ceux qui y donnèrent leur vie pour Jésus-Christ. La tâche serait impossible à remplir, tant le chiffre en est grand. Les jésuites même n'ont jamais su combien des leurs y ont expiré dans les tourments. Ainsi, les trois martyrs dont nous raconterons brièvement la passion et les 23 compagnons qui souffrirent avec eux ne sont qu'une portion insignifiante de ces milliers d'hommes généreux qui sacrifièrent tout à leur foi dans ces contrées lointaines. Si l'Église les a seuls élevés sur les autels, ce n'est pas que leur martyre ait été plus douloureux ou plus honorable que celui de tant d'autres. Mais c'est parce qu'ils sont les premiers qui aient été condamnés à mort pour leur religion par un édit solennel de l'autorité souveraine du Japon. Leurs combats ont été racontés des centaines de fois d'après les documents les plus authentiques. On les lit dans les recueils de vie des saints, dans les histoires du Japon, dans les annales de l'Église. Conformément à l'usage, ils sont décrits en détail dans la bulle de canonisation et dans les vies et notices qui ont été publiées à Rome à l'occasion de cette solennité. Ces travaux ont abrégé beaucoup le nôtre. Nous n'avons eu qu'à prendre ça et là ce qui a été dit par d'autres, avec autant d'art que d'exactitude. Souvent même, nous nous sommes appropriés leurs paroles. Dieu veuille bénir ces quelques pages, faire accroître dans l'âme de nos lecteurs l'esprit de foi et de fidélité à son service, les exciter à hâter par leurs prières le retour du Japon à leur religion chrétienne et nous réunir tous un jour par l'intercession des martyrs japonais à la phalange innombrable de ces saints.